Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz ce lundi en direct à partir de 21h30 et des poussières ou en rediffusion notamment à partir du site de l'Asile. Vous pouvez podcaster l'intégralité des émissions, également l'écouter en streaming et puis aussi scruter les playlists, naviguer à partir des liens et voir des vidéos, tout ça à partir du site asile35.blogspot.fr. Alors cette semaine, plutôt que de grands discours, je propose de démarrer avec une formation musicale qui pratiquait la musique soufie. Il s'agit de l'ensemble Al-Kindi, formation fondée au début des années 80 par le français Julien Jalal Eddin Weiss à Alep, en Syrie. Joueur de kanoun formé par le joueur de oud irakien Mounir Bachir. Julien Weiss qui est décédé en début d'année, le 2 janvier 2015. Lui qui faisait le pont entre les traditions égyptiennes, tunisiennes, turques, libanaises, syriennes et irakiennes, avec son ensemble Al-Kindi, spécialisé dans la grande tradition soufie turque et syrienne. Donc je propose de démarrer ce triste début de semaine par le titre Samaï, qui est une forme instrumentale classique et qui doit vouloir dire quelque chose comme écoute et distraction. On écoute cet extrait de l'ensemble Al-Kindi d'un disque paru au Champ du Monde, le Salon de Musique. On écoute ce titre Samaï. Thank you. On a démarré la séquence inaugurale de l'Asile Le Plus Sûr par l'ensemble Al-Kindi, cet ensemble dans le grand syncrétisme de la tradition classique arabo-persane, avec un disque de 2011, l'ensemble Al-Kindi et Sabri Moudalal et Amar Sarmini, le Salon de Musique, un double CD de cette formation qui était menée par le français franco-suisse, d'ailleurs installé à Alep, Julien Jalal-Eddin Weiss, qui est disparu en début d'année, en janvier, tout début du mois de janvier 2015. Et on a enchaîné avec un titre de Pierre Bastien, le Dog's God, qui se retrouvait sur cette compilation No More, No Mouroir, qu'avait sorti à notre ami Denis Tagu sur son label Un Polisson, une compilation publiée à l'époque en 2002, compilation au profit d'une ONG qui venait en aide aux populations victimes des guerres et des bombes, et sur laquelle on retrouvait Pascal Comelade, Klimperaille, Look de Book, Topitec Limonade, Jean-François Pauvros, Robert Wyatt, Albert Marker ou encore Paquito Bolino du Dernier Cri, et Pierre Mastien donc avec ses instruments jouets automates à partir de pièces de mécano. Pierre Bastien qui est à Rennes cette semaine en concert demain soir pour le spectacle Motus en compagnie de la folkeuse des années 70 Emmanuelle Parénin, qui va nous permettre donc de retrouver ces installations mécaniques à base de pièces de mécano et les instruments médiévaux de Madame Parénin. C'est ce mardi 17 novembre au Tambour. Et Pierre Bastien qui va publier aussi un nouveau disque ce mois-ci, ça sort à la toute fin du mois de novembre sous le titre Blue as an Orange. Ça sort sur Morphine Records, qui est le label de Rabbi Beyani, dont on vous parle assez régulièrement dans cette même émission. Un disque qu'on attend avec grande impatience. Je crois que le précédent était sorti en 2012, il y a tout juste 3 ans, sur étiquette Reflex. Voilà donc pour Pierre Bastien et Emmanuel Parénin. Mais le même soir, ce mardi 17, également à Rennes, au 1988 Life Club, une soirée à ne pas manquer également, qui permettra d'admirer le trio Lorrain Filia Mozza en compagnie de JW Sock, ainsi que le Melanoise Escape de Olivier Melano pour son Baroud d'honneur. Apparemment, le projet va être mis en pointillé pendant quelques temps après ces derniers concerts de fin d'année. Et il y aura aussi Jean-Louis Coste pour refermer la marche de cette soirée, donc à l'ancien Pimps, place du Colombier. On va écouter un extrait, un second extrait. On avait déjà passé à sa sortie, un petit peu avant la sortie même, un extrait de ce Like It Is, le tout nouvel album de Filia Mozza sorti sur Ahagou. Alors je ne sais pas trop si Monsieur Melano est sur le titre qu'on on va écouter, en tout cas JW Sock, Josh, on l'entend bien, on écoute ce titre Blab Blub par Filia Mozza. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la spinning before it begins. You better start swimming. fireflies. I wish I hadn't told you all of those love lies. Stop by your house so your lamp lives. Got a sign of you in it. Pour admirer l'art vocal et la sensibilité à fleur de peau de monsieur J.W. Sock, alias Josh pour les intimes, plus exactement ex-chanteur de The X, et on pourrait dire presque franco-batave vu la quantité de groupes hexagonaux dans laquelle il se produit, en tout cas hollandais volant, très très inspiré, qui jouera ce mardi 17 novembre au sein du trio Lorrain Filia Mozza. Trio, je crois que ce sera la formation de violons électrifiés et batterie, ainsi que Sock, et certainement aussi Monsieur Mélano qui apportera le concours de ses guitares acérées pour cette soirée qui aura lieu au 1988 Live Club à Rennes, dans laquelle jouera aussi le Melanoise Escape et aussi une performance qui risque d'être assez fumeuse aussi de Monsieur Jean-Louis Coste. Donc tout ça ce mardi 17 au 1988 Life Club. Et on écoutait tout d'abord un extrait du tout nouvel album de Filia Mozza, publié par le label Aagou les jours derniers, sous le titre Like It Is, qui était enchaîné avec le cover band, on pourrait appeler ça comme ça, de Monsieur Sock, en compagnie du guitariste de Cannibal et Vainé, Nicolas Laforest, leur duo The End, non pas à la fin, mais The et End, bah, comme la copule, AND, voilà. Et c'était un duo qu'on avait eu la chance d'admirer aussi au Café La Bascule, il y a de ça 2 ans, tout rond, c'était à peu près vers le 20 novembre, pratiquement à la fermeture du Café La Bascule. Et The End, donc, qui existe depuis 2-3 ans et qui tourne assez régulièrement aussi, vient de se fendre de deux formats simples, un 45 tours Straw Town of Stone et un maxi 6 titres qu'on écoutait sans titre, dans lequel ils reprennent pas mal de choses, notamment des titres de Bowie, de Bob Dylan, également du Joy Division ou encore des textes assez acérés de monsieur Don Van Vliet alias le Capitaine Beefheart, le titre qu'on entendait Love Lies, qui était un extrait, bon, un titre qui figurait sur Shiny Beast, l'album du Capitaine Beefheart. Et donc ces deux EP simples et maxi viennent tout juste de sortir sur le propre label de monsieur Sock, qui répond au nom de Tractor No Town. Alors je pense qu'il en aura à vendre ce mardi 17 au 1988 Live Club. Voilà, on va continuer avec une séquence un peu plus péchue et la musique de Half Japanese, le groupe de rock brut de Jadfer et son frangin qui existe depuis le milieu des années 70 du côté d'Austin, Texas. Un groupe qui a influencé notamment Kurt Cobain ou encore Sonic, un combo qui était un petit peu en sommeil, qui s'est reformé en 2014 à l'occasion de la sortie d'un disque long sous le titre Overjoyed. Mais là je propose d'écouter un EP sous le titre Bingo Bingo, qui a été publié l'été dernier au format Lace Cut, donc une galette au tout petit tirage et téléchargement internet. Ce Bingo Bingo, et on y retrouve notamment le Suisse de Débile Mortal et l'ensembleillé Jill Reader ou encore Mick Hops d'Officer The Work et autres Family Fodder, tous musiciens qui se produiront aux côtés de Jadfer au sein de Half Japanese dans le cadre du festival Brestois Invisible qui fête ses 10 ans cette semaine. Et ce sera une soirée à la Carène ce samedi 21 novembre dans laquelle joueront d'ailleurs aussi Philia Mozza. Il y aura aussi Gabou Les Enablers, les Ultra Zouk, le Singe Blanc et autres Fat Supper, ainsi que Kim pour ces 4 soirées entre la Carène et le Quartz du festival Invisible. Et je propose d'écouter un extrait de ce tout nouvel EP de Half Japanese, le morceau Stuck en New, extrait de ce Bingo Bingo, le très bien nommé. And that's the key. Yeah, that's the key. Lime and lemon and blueberry, all the love that two hearts can carry. Lemon, lime, lime, strawberry, we've got it made. All the love two hearts can carry, all the love that two hearts can hold, all the love that two hearts can take, all the love that two hearts can hold. The end of the rainbow landed on we, landed on us, you see. I think you're sweet, said the honeybee, and he should know. The rainbow's end hit our noggins, the pot of gold is ours. Bless our plucky, lucky stars. We've got it made. All the love two hearts can carry, all the love that two hearts can hold, all the love that two hearts can take, all the love two hearts can.

une petite triplette de free rock ou d'avant-rock dans les îles Lopussure sur l'antenne du 94 MHz qui a démarré avec la musique d'Alf Japanese, extrait de ce EP Bingo Bingo, publié très récemment. Je crois qu'ils ont sorti aussi un 25 cm. Ils ont sorti aussi un EP toujours au format lace cut, assez difficile à trouver. Je crois qu'il y en a quelques centaines à tout casser, et aussi possibilité de télécharger la musique de Jet Fair, notamment à partir de leur site ou différents sites évidemment sur internet. Voilà pour Jet Fair, qui jouera donc au festival Invisible à Brest, à qui on souhaite un joyeux anniversaire pour leurs 10 ans. Ce sera donc ce 21 novembre à la Carène. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas être au festival Invisible ce week-end, vous pourrez au moins vous rattraper avec la soirée organisée par les camarades de Cafioul en coproduction avec Patch Rock, pardon, ce jeudi 19 au Jardin Moderne. Les Cafioul qui réinvitent Enablers ainsi que Fat Supper, tout ça à partir de 20h, et les DJ Cafioul qui refermeront la marche, donc pour 8€ sur place et 6€ en résa, ou tarif sortir 3€ au Jardin Moderne. Je pense que ce sera dans le café culturel certainement. Voilà, on a écouté donc Alf Japanese, et c'était enchaîné avec la musique de Gabriel Hibert, musicien poulpe, batteur et one man band à lui tout seul, entre free rock et musique nouvelle. Il est originaire de Toulouse et vient de se fendre d'un second disque autoproduit qui fait suite au précédent qui nous avait bien plu, sous le titre Peindre et ne rien foutre, qui était sorti l'an dernier. Et celui-ci s'intitule Désenvoûtement. Il est presque encore meilleur, avec une alternance entre des pièces assez nerveuses, plutôt dans le domaine un peu mat noise, et des trucs un petit peu bizarroïdes, un peu biscornus, dont il a le secret, ce musicien toulousain Gabriel Hibert. Et on a terminé la séquence avec là du pur avant-rock à la sauce Rock in Opposition, et la vieille formation américaine Sinking Plague, originaire du Colorado, et un extrait de leur troisième disque qui était sorti en 1989 sous le titre In This Life. À l'époque, c'était sorti chez RER, et il s'agissait d'un CD rempli ras la gueule, comme on dit, pas loin de 70 minutes, avec deux titres entre 15 et 8 minutes qui ont été expurgés. Enfin, c'était des bonus en fait que RER avait voulu rajouter à cet album déjà assez long, qui vient tout juste d'être réédité dans le format prévu à l'origine. C'est sorti chez Cuneiform, cette réédition de Thinking Plague. Excellente formation, toujours active, plus de 35 ans après leur création. Leur dernier opus est sorti, je crois, en 2012, je ne m'abuse, également sur Cuneiform Records. Ils viennent tout juste de lancer un Kickstarter pour financer leur nouvel opus qui paraîtra en 2016. En tout cas, donc là, c'était la version d'époque septet dans lequel on retrouvait Bob Drake et aussi d'ailleurs Fred Frith sur quelques morceaux, voilà, et la chanteuse de l'époque Suzanne Lewis, avec sa voix assez particulière sur cet album In This Life de Sinking Plague. On va continuer avec une séquence électronique et le retour du duo entre Drew Daniel et MC Schmidt, alias Matmos, qui viennent tout juste d'annoncer la sortie d'un tout nouvel album qui sortira début 2016 sur le label Thrill Jockey, et qui va être composé entièrement à partir de sons produits par leur machine à laver, notamment en phase de plein cycle. Et un certain nombre d'amis de Drew Daniel et MC Schmidt se sont amusés à sampler et à séquencer ces sons. notamment des gens assez fameux, tels que les membres des Horse Lords, qu'on vous a pas mal passé dans l'asile de Pussure, également Dan Deacon ou encore Jason Willett, qui lui aussi fait partie d'Alf Japanese, comme quoi tout se recoupe. Et on va écouter un extrait de ce Ultimate Care. On ne sait pas encore si la machine à laver sera de la partie pour les concerts qui s'en suivront. En tout cas, on écoute un extrait de ce disque apparaître de Matt Moss sous le titre Ultimate Care. Thank you. Oh, my God. triplette de musique électronique pour tester la résistance de vos postes à galène ou vous faire décoller, qui a démarré avec tout d'abord un extrait du tout nouvel album de Matmos à paraître en début d'année 2016, qui s'intitule Ultimate Care 2, qui apparemment est la marque de leur machine à laver, qui sera la star de ce nouvel opus. Un disque qui promet une très très belle séquence, déjà écoutable en preview, qui était enchaînée avec un extrait d'une toute nouvelle compilation Below the Radar du magazine anglais The Wire, qui vient tout juste de sortir sa livraison du mois de décembre, avec Annette Peacock en couverture et à l'honneur donc du magazine londonien. Et The Wire propose aussi pour ses abonnés une toute nouvelle compilation téléchargeable sur internet, 20 titres d'Electronica du monde entier réunis par la plateforme multimédia européenne Shape, dédiée aux musiques innovatrices et à l'art audiovisuel, qui réunit à la fois publications sur la musique, festivals, événements ponctuels, expositions, et tout ça dans différents pays, notamment en Tchéquie, qui est le port d'attache de ce Shape, ainsi qu'en Slovénie, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, etc., etc. Et on a écouté un extrait dans la deuxième séquence du jeune duo électronique hongrois de Budapest, One Toothed, ça s'écrit 1-2-Z, et un extrait de leur tout nouvel album sous le titre Free Fall Inspirations, disque sorti par le label de Nicolas Jarre, Other People. One Toothed, qui est assez, une musique assez prometteuse, hein, ça donne envie d'écouter ça sur album long, une musique assez électronique, assez étrange. Et apparemment One Toothed, c'est un jeu de mots en hongrois phonétique, ça veut dire quelque chose comme « Est-ce que vous avez du feu ?» Voilà, et on a terminé avec la musique de l'Australien Robin Fox et ses effets un peu psycho-acoustiques. Robin Fox qui s'est fait un peu une sorte de célébrité avec des shows laser et des effets psycho-acoustiques et visuels, ce en compagnie notamment d'autres musiciens. Il joue notamment aux côtés de Atom TM, ou encore de spectacles de danse pour la chorégraphe, sa compatriote, l'Australienne Stephanie Lake. Et là, on écoutait donc un extrait, je crois que c'est des performances donc pour ces spectacles, sous le titre A Small Prometheus, sorti sur les éditions Mego. Robin Fox, qu'on avait découvert notamment dans des duos aux côtés de Anthony Patteras, mais ça remonte au moins au milieu des années 2000. Depuis, il fait plutôt cavalier seul. Il avait déjà sorti un précédent opus tout entièrement seul sous les éditions Mego, sous le titre Handful Automation. Voilà, on va continuer avec une séquence de jazz free noise et un peu free core aussi, un quatuor noise core doom jazz selon leurs propres termes, qui répond au nom de The Peeled Eye et qui sort un album éponyme sur le label berlino-canadien Chainless. Et c'est la rencontre entre le saxophoniste baryton d'origine autrichienne Boris Hof, le batteur Stephen Heiser, le bassiste Christian Weber et Martin Sievert, guitariste qu'on connaît principalement pour les combos autrichiens Radiant et autres trappistes. On va écouter un extrait de cet excellent disque qui paraît en vinyle, avec différentes possibilités d'écoute. Écoutez ça aussi même sur internet à partir du label Shameless Record, The Peeled Eye. Et je propose d'écouter donc Disco par The Peeled Eye. I'm l'instant dans l'asile le plus sûr, une séquence Impro Free qui a démarré avec l'excellent projet américain et autrichien The Peeled Eye, dans lequel on retrouve le saxophoniste Boris Hoff et le guitariste Martin Sievert. Disque éponyme publié par le label Shameless, enchaîné avec les hoquetements de Jorrit Dijkstra. Toujours très très dur à dire ce nom batave. Dijkstra, qui est un saxophoniste bidouilleur électronique qui réside aux États-Unis. Je crois qu'il enseigne d'ailleurs à la Berkeley. Il a suivi les enseignements de Steve Lacy, Misha Mengelberg et même Steve Coleman d'ailleurs. Il vient tout juste de faire paraître ce disque Never Odd or Even tout seul, mais démultiplié par le recours à l'électronique sur Drift Records, qui le co-anime aux côtés de Pandelis Kayayorgis, autre immigré à Boston, un label qu'ils ont fondé il y a ça 3-4 ans, qui est plutôt actif. Et juste pour conclure, la rencontre entre Gaspard Klaus et Mathieu Prual et un live au Café La Bascule qui avait eu lieu en janvier de l'année 2012 et qui vient tout juste d'être publié par un label grec qui répond au nom de Orilla Records. C'est sorti à la fin du mois de septembre et Gaspard Klaus et Mathieu Prual seront en concert à la Maison de la Grève ce vendredi 20 novembre, donc vendredi de cette semaine, avec une soirée organisée par l'Assaut Final, dans laquelle on retrouvera Marc Prépus, alors je crois que c'est un nouveau projet de Ounas, et Serge Voronoff Band, tout ça donc à la Maison de la Grève, au 37 rue Le Graveran. Plus d'informations sur maisondelagreve.boom.org. On se termine avec un dernier extrait de la compilation du magazine anglais The Wire Shape et un projet de Yair Elazar Glotonan, alias Ketev, virtuose de la contrebasse et DJ producteur électronique basé à Berlin, qui a sorti un disque excellent sur le label Subtext, entièrement de contrebasse démultipliée par l'électronique sous le titre Étude. Là, il s'agit davantage d'un travail électronique assez classique, un peu dronesque sur les bords. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette playlist et aussi le podcast à partir du site asile35.fr. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.